La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la nature est-elle belle ? En 1806, l'un de nos plus grands écrivains fit un voyage du côté du massif du Mont Blanc. Après avoir marché jusqu'au Mont Anvers, ce haut lieu qui domine la mer de glace, à 2000 mètres d'altitude au-dessus de Chamonix, voici ce qu'il écrivit. On dit que les montagnes sont le séjour de la rêverie. J'en doute. Je doute qu'on puisse rêver lorsque la promenade est une fatigue, ou lorsque l'attention que vous êtes obligé de donner à vos pas occupe entièrement votre esprit. L'amateur de la solitude qui bâillerait aux chimères en gravissant le mont Anvers pourrait bien tomber dans quelques puits, comme l'astronome qui prétendait lire au-dessus de sa tête et ne pouvait voir à ses pieds. Et notre écrivain sceptique de continuer, « Si nous en croyons Rousseau et ceux qui ont recueilli ses erreurs sans hériter de son éloquence, quand on arrive au sommet des montagnes, on se sent transformé en un autre homme. Plût à Dieu qu'il en fût ainsi, qu'il serait doux de pouvoir se délivrer des maux en s'élevant à quelques toises au-dessus de la plaine. Malheureusement, l'âme de l'homme est indépendante de l'air et des sites. Un cœur chargé de sa peine n'est pas moins pesant sur les hauts lieux que dans les vallées. » Fin de citation. Avez-vous deviné qui est cet écrivain que le spectacle de la mer de glace, des drues, de l'aiguille verte et des grandes jorasses a pu laisser de marbre et a même rendu grincheux? Je vous le donne en mille, c'est Chateaubriand. Je sais bien qu'il ne faut pas trop discuter des goûts et des couleurs, mais comment comprendre une telle réaction de la part d'un homme par ailleurs sensible, alors qu'il découvrait là l'un des plus beaux paysages qui soit, du moins à mon humble avis? Je ne vois que trois hypothèses. Soit il n'était pas sensible à la beauté de la nature, quelle qu'elle fût. Soit il avait ce jour-là le mal de Saint-Malo, soit il y avait un sacré brouillard. Mais au fait, que voulons-nous dire précisément quand nous disons de la nature qu'elle est belle? Pour discuter de cette grave question, j'ai invité Alexandre Lacroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, et vous venez de publier la réponse à la question posée par un livre dont le titre est « Devant la beauté de la nature ». Alors c'est donc Chateaubriand que je viens de citer. Mm-hmm. Est-ce que vous comprenez sa réaction? J'imagine que vous ne la partagez pas, mais est-ce que vous la comprenez? Alors, c'est d'autant plus étonnant de trouver ce passage chez Chateaubriand qu'il y a chez lui, dans les mémoires d'Outre-Tombe, des émerveillements. Quand il arrive à Saint-Pierre-et-Miquelon, quand il voit les espaces du Nouveau Monde, c'est un Européen donc qui est confronté à la wilderness américaine et qui s'émeut en fait. Et donc je suis un peu surpris par le passage. Cependant, on peut le réinscrire dans une... C'est un texte qui est tiré d'un petit livre qui s'appelle Voyage au Mont-Blanc. Ah oui, je ne le connaissais pas. C'est comme s'il... Il se prenait en défaut lui-même. Il y a d'autres passages très exaltés, il y a d'autres descriptions très exaltées, également des bords de mer, hein, de l'Atlantique chez lui. Mais en tout cas, je suis toujours étonné de trouver, depuis l'Antiquité, des textes d'auteurs, de philosophes qui sont imperméable à la beauté de la nature. Et du point de vue philosophique, en fait, je dirais que tout commence assez mal, puisque ça commence avec Socrate, cette affaire-là. C'est-à-dire que dans le Phèdre, Socrate et Phèdre, donc, vont marcher en dehors des remparts d'Athènes, et puis Phèdre, qui est un jeune homme, observe Socrate, et c'est un jour d'été, il fait beau, les cigales chantent, ils sont au bord d'une rivière, ils sont dans un petit bois d'olivier, c'est très charmant, il y a une atmosphère de séduction entre les deux hommes. Et Phèdre lui dit, mais Socrate, tu es un enfant du pays, tu marches de manière maladroite sur ce chemin, qu'est-ce qui se passe? Et Socrate lui dit, je ne sors jamais de la ville, parce que les arbres n'ont rien à m'apprendre. Je reste... Mais ça veut dire qu'il soit moche? Non, mais ça témoigne d'une profonde insensibilité philosophique au charme de la nature. Phèdre, dans ce moment-là, l'invite en fait à observer... Peut-être l'invite-t-il également à la sensualité, c'est-à-dire se laisser aller à la sensualité du paysage pour se rapprocher de lui. Et Socrate veut placer l'enjeu de leur relation sur le terrain du langage. Donc c'est pour ça qu'il aime la ville, c'est parce que c'est le lieu où on parle, c'est le lieu où on échange. Donc c'est pour ça que vous opposez dans votre livre ceux que vous appelez les philosophes ou les sages des villes et les sages des champs. Oui, et il y a des écrivains des villes et des écrivains des champs aussi. C'est ce que rappelle le texte de Chateaubriand, sauf que lui, je ne sais pas très bien où le situer parce que... Mais Baudelaire est un écrivain des villes. Il déteste la beauté, dit-il, des légumes sanctifiés. Les légumes sanctifiés, c'est ça la verdure pour lui. Bon, ça ne l'intéresse pas. Thierry Beauchamp, qui m'assiste dans la préparation de cette émission, m'a signalé que il existe un texte de Chateaubriand dans lequel il explique qu'enfant, il aimait grimper aux arbres. Oui, mais on peut donc aimer grimper aux arbres et pas les montagnes. Oui, mais il y a beaucoup de choses sur son enfance, sur les Landes, sur les non, c'est curieux, d'autant plus que Chateaubriand est un auteur emblématique de la sensibilité romantique, et cette sensibilité romantique à la nature correspond à une phase juste après le XVIIIe siècle, c'est-à-dire juste après le siècle des Lumières, où il y a un affaissement ou un affaiblissement de la vision religieuse du monde. Et beaucoup des émotions, des attitudes, du recueillement que les humains allaient chercher en fait au temple s'ils étaient protestants ou à l'église s'ils étaient catholiques, beaucoup de ces émotions-là ou de ces attitudes vont être recherchées dans la forêt, sur le bord de mer, dans la montagne, qui deviennent des lieux justement de recueillement, d'introspection, d'intimité avec une sorte de tout du monde. On voit très bien ça dans la peinture de Caspar David Friedrich, par exemple. C'est-à-dire que il y a un report de l'émotion religieuse sur le paysage. Moi, j'aime beaucoup cet élan des romantiques vers la nature. Donc voilà un texte Bégueule dans une période qui elle-même est en train de transfuser intégralement la spiritualité religieuse dans le paysage. Mais est-ce que la question que nous posons aujourd'hui, Alexandre Lacroix, est-ce que la nature est belle, est une question proprement philosophique, ou est-ce qu'elle relève simplement de considérations esthétiques? Ah, je pense qu'est-ce qu'on appelle le beau? Alors, je pense que c'est une question profondément philosophique. C'est-à-dire que on comprend parfaitement pourquoi les êtres humains ont un rapport de type instrumental ou utilitaire à la nature. Elle prodigue de l'eau à manger, des fruits, des légumes, de l'énergie, des ressources, des matières premières. Donc ce rapport utilitaire-instrumental est aussi ancien que l'humanité. Nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, effectivement, avaient déjà cette utilisation de la nature. On l'a développée avec la technique. Mais par contre, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que la relation des êtres humains à la nature est également esthétiquement ou émotionnellement très dense. Il y a des paysages qui nous attristent, d'autres qui nous enchantent, d'autres qui nous apaisent. Et c'est là que ça devient philosophique, c'est pourquoi ? Ça sort d'où ? Ça ne sert à rien de s'émouvoir d'un paysage, ça n'a pas d'avantage adaptatif clair ou évolutionniste clair. Pourquoi ce lien si profond, si émotionnel, si abstrait aussi en un certain sens? Il y a un passage très étonnant de Darwin dans La filiation de l'homme où il dit voilà, il y a deux choses que l'homme et l'animal n'ont pas en commun, seulement deux. Il est très continuiste, hein, Darwin. Il pense que l'homme et l'animal ont tout en commun. Par exemple, je parlais de la religion. Il pense que on trouve quelque chose de l'attitude religieuse dans le comportement qu'a le chien envers son maître. Respect, attente, fidélité, etc. C'est une moquerie, bien sûr, mais il dit voilà, il y a deux choses qui sont vraiment, qui ne se retrouvent pas chez l'animal et qui sont présentes chez l'homme: la spéculation mathématique, ça va vous parler, Étienne. Mais la deuxième chose, c'est l'admiration esthétique pour les paysages. Et donc, c'est une question éminemment philosophique de savoir d'où ça vient. Quant à la deuxième partie de votre question, qui était de savoir, mais finalement, est-ce qu'on ne s'est pas inventé un mot, le beau, enfin, est-ce que c'est pas une convention, en fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas projeté quelque chose sur la nature? Je ne crois pas. Enfin, moi, mon enquête, consiste à se demander, quand je dis qu'un paysage est beau, qu'est-ce que je dis, en fait? C'est là que l'enquête commence. Tout le monde le comprend. Donc c'est bien que ça doit vouloir dire quelque chose. Je vous dis qu'un paysage est beau, qu'une montagne est belle, qu'un bord de mer est beau, vous comprenez ce que je dis. Mais on s'entend sur un mot. Mais qu'est-ce qui est dit là, à l'intérieur de ce qui est dit? Qu'est-ce qui est dit là-dedans? Voilà, c'est toute la question. Alors c'est vrai que je déroule dans mon livre plusieurs hypothèses. Il y a plusieurs pistes, hein, de réponse. En fait, vous faites une véritable enquête, hein, philosophique, ouais, à travers les livres, et puis vous interrogez des chercheurs contemporains aussi sur différents aspects de la question. Mais il y a une phrase de Hegel que vous citez dans votre ouvrage intitulé Devant la beauté de la nature. Il dit ceci: nous croyons pouvoir affirmer que le beau esthétique est supérieur au beau naturel parce qu'il est un produit de l'esprit. L'esprit étant supérieur à la nature, sa supériorité se communique également à ses produits et par conséquent à l'art. Donc la question du beau ne touche que l'art et plus la nature. Alors, il y a en pleine sensibilité romantique débridée, hein, Hegel professe un cours magistral à l'université de Berlin entre 1818 et 1829 sur l'esthétique. Et dès le début de ce cours, il explique que l'esthétique est la discipline qui s'occupe exclusivement du beau artistique et pas du beau naturel. Sa motivation est d'ordre idéaliste, c'est-à-dire qu'il considère en fait que les produits de l'esprit, les produits de l'art sont en fait spirituelles dans leur nature. Il a même une provocation très forte dans la suite du passage que vous venez de lire. Il dit « L'idée, la pensée la plus basse et la plus médiocre qui traverse l'esprit d'un humain est plus haute et plus grande que le soleil. » Donc c'est un orgueil délirant. Si vous imaginez si vous essayez de repérer la pensée la plus basse, la plus vulgaire que vous avez eue depuis ce matin, vous dire qu'elle est plus grande et plus belle que le soleil, c'est une sorte de folie, une provocation. Ce qui veut dire par là, c'est que la nature, le paysage, est pour lui entièrement lesté de matière. En tant qu'il est matériel, il est d'une nature un peu moins noble dans sa vision idéaliste des choses que les pensées humaines qui sont plus spirituelles. Ces phrases et ces passages de Hegel vont avoir un impact immense sur toute l'histoire de la philosophie, à tel point que quand j'étais étudiant en philosophie, et on étudiait la philosophie morale, la philosophie politique et puis la philosophie de l'art. Donc l'esthétique, c'était même pas la question de parler de la nature ou des paysages, c'était même pas envisagé comme une possibilité. Et donc on se retrouve dans une situation très particulière où aujourd'hui en 2018, 200 ans après ce cap donné par Hegel, on a toutes sortes de traités de philosophie esthétique sur la peinture, sur la musique, etc., qui sont très bien, hein, et presque rien sur notre relation esthétique au paysage, au fleuve. Mais est-ce qu'on fleuve, a pu dire de tout temps que la nature était belle ou que les paysages étaient beaux? Est-ce que les Gaulois le disaient? Est-ce que les Romains le disaient? Est-ce que les Grecs le disaient? Est-ce qu'il y a des traces de ce sentiment esthétique vis-à-vis de la nature de tout temps, si j'ose dire? C'est une question compliquée. C'est une question compliquée parce que, par exemple, il y a des non pas des universels, mais des comparaisons possibles ou évidentes entre des approches asiatiques du paysage dans l'ancienne peinture chinoise, dans l'ancienne peinture et dans la poésie japonaise et dans la tradition occidentale. Donc il y a des similitudes. Et puis on a quand même un lieu qui fait exception, qui est la Grèce antique, où le paysage en tant que tel n'est pas admiré. Une des compréhensions possibles de cette culture grecque, donc celle de Socrate, hein, qui ne valorise pas tellement la beauté des paysages et de la nature, c'est que pour un grec ne peut être digne d'admiration esthétique que ce qui a une forme finie. La perfection est ce qui est fini. La forme parfaite, vraiment par excellence, pour Platon, c'est la sphère, hein, c'est-à-dire que c'est cette forme géométrique à laquelle on ne peut rien ajouter ni rien retrancher sans la détruire. Eh bien, les Grecs ont de l'admiration pour des objets finis. Le paysage, en tant que tel, est un contour qui est indéfini. Ses limites ne sont pas véritablement assignées. Donc, se perdre en contemplation du haut d'une montagne ou regarder le ciel étoilé ou la ligne d'horizon, c'est avoir devant soi quelque chose qui n'est pas géométrique, ce qui déplaît aux Grecs, qui n'est pas fini. Sauf si on voit le soleil, qui est sphérique. Voilà. Et donc, les astres sont en tant que tels admirés chez Platon, chez Aristote. En tant que tel, ils sont sujets à l'admiration. Le cosmos est admiré en tant qu'il est supposé avoir des règles d'harmonie mathématique. Donc en fait, ce qui va être recherché ou admiré dans la nature, ce sont des formes mathématiques. Et en cela, le monde grec est très différent du nôtre. Pour autant, dans le monde contemporain, et quand des tests ont été faits, parce que des tests ont été faits assez nombreux sur ces questions-là, c'est-à-dire au 20e, au 21e siècle, on sait qu'il y a quelques universels, c'est-à-dire qu'il y a des images qui plaisent universellement. Le coucher de soleil. Vous avez aussi un chapitre sur la savane. Oui. Alors ça, c'est qui a eu l'idée d'interroger toutes sortes de personnes sur les paysages qui leur plaisent, oui, en proposant des images de savane, de forêt tropicale, de désert? Alors, il existe des chercheurs en psychologie évolutionniste qui ont travaillé sur la question de la beauté de la nature. Leur hypothèse de base est de type évolutionniste, c'est-à-dire se dire simplement que Homo sapiens c'est une espèce qui a 300 000 ans. Homo sapiens a évolué dans des biomes, hein, ce sont des biologistes, c'est-à-dire dans des milieux, en fait dans des écosystèmes auxquels l'espèce a dû s'adapter. Si jamais une préférence pour certains types de biomes ou certains types de paysages est inscrite dans l'espèce, dans nos gènes, ça doit pouvoir se vérifier expérimentalement. Donc deux chercheurs ont été les premiers à mener ce type de recherche, c'est John Falk et John Bulling. Ils ont commencé en 78 et ils ont soumis des photographies de cinq biomes à toutes sortes de personnes de toutes les classes sociales aux États-Unis, en fait à très nombreuses personnes. Et les cinq biomes sont les suivants, c'est la forêt tropicale, la forêt de feuillus, la forêt de conifères, le désert et la savane. Cette expérience a été reproduite en Scandinavie, en Indonésie, en Afrique, donc elle a une certaine universalité. Il y a un grand gagnant, avant 15 ans, et qui reste gagnant jusqu'à 30 ans, dans tous les milieux sociaux, dans tous les pays du monde, c'est la savane. Qui n'est pas forcément africaine. qui n'est pas forcément africaine. Mais évidemment, c'est très frappant pour notre imaginaire, parce que se dire qu'on aurait une préférence innée pour la savane, on se dit, mais oui, mais c'est QFD. Homo sapiens a passé une grande partie de son existence dans son berceau, c'est-à-dire les grandes savanes de l'Est africain, ça doit venir de là. En fait, il faut être prudent, on parle ici en termes écologiques, en termes de biologie, donc la savane, en fait, distribue un certain nombre d'éléments qui sont propices à la survie, à l'action d'Homo sapiens, c'est-à-dire que dans une savane, il y a des arbres bas, ça veut dire qu'on peut cueillir leurs fruits. Des herbes hautes, ça veut dire qu'on peut s'aplatir et disparaître, se cacher. Mais en même temps, on peut voir loin, c'est-à-dire qu'on peut voir venir des dangers. Il y a de l'ombre, il y a des rochers, il y a des plans d'eau, il y a des animaux, il y a des nuages, en fait, au-dessus des savanes qui sont signe de pluie, ce qui est bon pour les fruits. Et donc, en fait, la savane offrirait une sorte de combinaison parfaite, de grammaire parfaite de tout ce qui enchante Homo sapiens. C'est-à-dire on projette de pouvoir s'y installer. Voilà. Alors, à l'appui de leur thèse, ces deux auteurs qui, en fait, ont formulé pour la première fois l'hypothèse de la savane, qui n'a jamais été, disons, invalidée expérimentalement. Elle a été refaite, cette expérience, mais toujours confirmée. En 2010, ces deux auteurs ont écrit un nouvel article où ils donnent un argument que je trouve séduisant. Ils disent, mais quand un être humain ou des êtres humains ont un lieu, un petit terrain qu'ils peuvent façonner pour leur plaisir esthétique, c'est-à-dire le jardin de vos grands-parents, si vos grands-parents avaient un jardin, le parc du Luxembourg à Paris, Hyde Park à Londres, les terrains de golf. En fait, ce que les hommes font assez spontanément, c'est qu'ils recomposent à leur bénéfice personnel une petite savane, des arbres bas, de l'herbe, des fleurs, des fruits, un plan d'eau, un tas de sable, quelques rochers. En fait, c'est la grammaire esthétique de la savane qui est réinjectée dans les paysages que nous façonnons pour nos loisirs. Mais est-ce qu'il faut de la culture pour admirer la nature ? On comprend évidemment que il y a des limites à cette explication, on va dire, naturaliste, évolutionniste de nos préférences vis-à-vis de la nature. Et la limite principale ou la plus évidente, je dirais, c'est que nous savons que nous pouvons être culturellement éduqués pour aimer des choses qui sont de prime abord désagréables. L'exemple le plus frappant, c'est le vin. C'est-à-dire que si vous approchez du vin d'un enfant, enfin si vous vous souvenez de la première fois où vous avez trempé vos lèvres dans du vin, vous aviez 4 ans et demi, dans 6 ans, en fait, vous avez fait la grimace. Non, mais très jeune, pourquoi les jeunes enfants n'aiment pas les boissons fermentées? Il y a quelque chose qui leur déplaît là-dedans. Et donc, il faut un processus d'acculturation, d'imprégnation pour se mettre à pouvoir distinguer les bons vins, les mauvais vins, parce qu'au départ, ils semblent tous mauvais, en fait. Et donc, ça signifie que si on transpose ça au domaine de l'esthétique environnementale, qu'il y a des lieux qui peuvent être hostiles physiologiquement, par exemple un sommet de montagne où il ferait très froid, le haut du Mont Blanc, voilà, le sommet du Mont Blanc, c'est hostile, une mer de glace, des icebergs, un désert, un volcan, c'est très hostile, des abysses. Et en fait, on peut en même temps avoir une fascination, un plaisir esthétique extraordinaire devant ce type de lieu hostile. Ça veut dire que probablement, en plus de cette première explication naturaliste, faut considérer une hypothèse tout autre, qui est que nous valorisons à travers la peinture, la photographie, le cinéma, mais des arts aussi très populaires, la carte postale, les fonds d'écran, des ordinateurs, Instagram, Facebook. Nous valorisons des paysages, nous voyons sans cesse des représentations de la nature passée autour de nous, et donc nous allons, quand nous sommes dans la nature, rechercher des choses, par exemple la plage des Seychelles, vous voyez des représentations iconiques, nous allons essayer de les retrouver dans la nature. Et donc effectivement, il y a une hypothèse culturaliste qui est l'opposé de l'hypothèse naturaliste et qui vaut d'être défendue. C'est une autre piste de réponse à la question initialement posée. Qu'est-ce qui fait qu'on trouve la nature belle ? Mais est-ce que finalement le débat que vous évoquiez à propos de Socrate, qui n'aimait pas la nature, on pourrait le dire comme ça, est-ce que c'est celui qui consiste à se dire que si on veut connaître ce qui est essentiel, il y a deux possibilités, soit on regarde le ciel étoilé, ou les figures géométriques, abstraites, soit on regarde un autre être humain les yeux dans les yeux, et on discute. Voilà, c'est vraiment, je crois que c'est la bifurcation initiale, c'est-à-dire que entre tous les sages et les écrivains de la nature et tous les sages et les écrivains de la ville, il y a une différence de sensibilité, d'approche, mais aussi de conviction profonde. Où surgit l'essentiel ? Mais on peut combiner les deux, regarder quelqu'un dans les yeux et lui parler du ciel étoilé. On peut même apprécier à deux un ciel étoilé. Mais où est-on en contact avec l'essentiel? Où est-on en contact avec ce qui compte vraiment? Où est-on en contact avec l'énigme de l'univers et de la vie? Est-ce que c'est en levant les yeux vers le ciel étoilé? Moi, j'ai tendance à le penser, en fait. Ou est-ce que c'est dans un échange de regards, ou quand on s'aperçoit que dans un échange de mots avec quelqu'un, il y a un enjeu mystérieux qui émane du lien. Je crois qu'en fait, on tient là à peu près les deux voies d'accès à l'essentiel ou à la vérité, pour prononcer un mot philosophique. Les philosophes de la nature des champs, comme les écrivains de la nature des champs, sont ceux qui pensent, et les artistes, sont ceux qui pensent que dans le contact avec la nature, il y a quelque chose comme l'éclosion de la vérité ou de l'essentiel qui est possible. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Est-ce que vous faites une distinction entre le beau et le sublime? Vous citez un auteur qui s'appelle Edmund Burke. Oui. Drôle de nom pour parler du sublime. Burke, Burke, ouais, c'est vrai. Mais bon, comment est-ce qu'il faut les distinguer? Alors, cette distinction entre le beau et le sublime a été reprise par Kant, mais en fait, elle a été inventée par Edmund Burke, qui est moins lu que Kant, mais qui est sur ce sujet peut-être plus intéressant. En 1757, Burke, donc un philosophe anglais, publie ses considérations sur le beau et le sublime. Et c'est un ouvrage prodigieusement en avance, je dirais, sur Freud, d'un certain côté. C'est-à-dire que ce qui est beau dans la nature, aux yeux de Burke, désolé de répéter Burke un certain nombre de fois dans cette conversation, mais c'est pas du tout Burke. Ce qui est beau, c'est tout ce qui tend vers la vie, tout ce qui évoque le désir, tout ce qui évoque la jeunesse. Alors, il va citer, en les mettant sur le même plan, le printemps, l'apparition de la jeune fille, la peau fraîche des enfants, mais aussi tous ces paysages de collines arrondies, de ces fleurs, ces jeunes arbres, ces lumières douces, ces lacs de montagne, justement. On a l'impression de pouvoir vivre. Oui, c'est-à-dire que quelque chose en nous du sentiment de la vie, de la vitalité, est exalté au contact du beau. Mais il existe d'autres expériences esthétiques dans la nature qui sont plutôt dirigées vers la mort, vers l'effroi, vers les ténèbres, et qui sont des expériences très fortes. C'est-à-dire que se promener dans une forêt la nuit, assister à un orage, assister à une éruption volcanique, voir une tempête depuis le rivage, voir des flots vraiment puissants et déchaînés, tout cela convoque pour nous des pensées, on va dire, assez sombres, enfin assez terrifiantes. Il y a une émotion esthétique mêlée de peur et d'une certaine vision de la mort. Alors le sublime est du côté de Thanatos. C'est là où je disais que c'est en avance sur Freud. C'est le beau est du côté de la pulsion de vie et de l'éros, le sublime est du côté de la pulsion de mort et de Thanatos. L'expérience esthétique aurait deux sortes de polarités. Oui, c'est ce que Burke nous propose de considérer. Je trouve que c'est assez éclairant. On comprend bien de quoi il parle, et ça permet aussi de comprendre que le beau de la nature n'est pas toujours du mièvre, ça n'est pas toujours du bucolique et printanier, ça peut être la vision d'un gouffre, ça peut être l'arrivée de la nuit, ça peut être un sommet de haute montagne. Oui, et je dirais que, en fait, là, on est en plein dans notre approche, on va dire, culturaliste. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de mettre des mots, d'appliquer des catégories tout à fait humaines au paysage. C'est-à-dire que le charme de ces auteurs anglais, Burke n'est pas le seul, mais les auteurs anglais au XVIIIe siècle se sont énormément intéressés au paysage, c'est d'essayer de mettre des mots sur des catégories d'expériences esthétiques dans la nature, de façon très cultivée, en fait. Il y a un troisième terme, en fait, qu'il faudrait ajouter au terme de beau et de sublime pour être complet et comprendre un peu ce que ces Anglais ont mis en place comme compréhension des choses. C'est un concept qui a été inventé par William Gilpin. William Gilpin, c'est un homme tout à fait slick et étonnant qui a publié le tout premier guide touristique. C'est la première fois, en fait, qu'il existait des relations, des récits de voyage extraordinaires. Mais c'est la première fois quelqu'un a écrit un texte en faisant un voyage et avec la ferme conviction que son lecteur va refaire le même voyage. Et donc il lui dit d'aller voir telle forêt, mais pas telle autre, par exemple. Il a inventé le tourisme, oui. Et donc, ce livre s'appelle Les Observations sur la rivière Wye. C'est un livre très philosophique. J'ai refait le voyage, hein, d'ailleurs, donc c'est ce que je raconte. Non, mais c'est ça, parce que c'est une tellement belle invitation à refaire son voyage et aller voir si... Donc ça a fonctionné, ce guide. C'est comme appel. Mais il faut y aller. Oui, non, la rivière Wye, c'est à l'ouest de l'Angleterre. Je vous invite à y aller. C'est de la campagne très charmante. Et vous allez rencontrer là-bas ce que Gilpin a théorisé, qui est le picturesque. C'est-à-dire, vous allez vraiment le voir de vos propres yeux. Alors, le picturesque, c'est ni tout à fait le beau, ni tout à fait le sublime. C'est ce qui est un peu difforme et biscornu. Ce sont, donc, la rivière Wye a des rives un peu tortueuses, semées de mousse, de rochers. C'est ce qui est un peu difforme et biscornu, et qui, néanmoins, nous ravit esthétiquement. Et là, on voit que c'est ni le beau, ni le sublime. C'est le tronc de l'olivier un peu noueux. Va être picturesque. Picturesque dans l'esprit de Gilpin, c'est qui est digne d'être représenté en peinture. Donc c'est un concept assez large. Mais alors Gilpin est très marrant. C'est parce que il ne cesse de se poser des questions loufoques. Par exemple le blanc. Alors ça j'adore. C'est il dit voilà un peu de blanc dans un paysage ça va. Deux vaches ça va. 10 vaches bonjour les dégâts. C'est-à-dire trop de blanc c'est laid. Le blanc n'est supportable que s'il y a de l'érosion. C'est-à-dire il n'est supportable que dans le cas d'une falaise particulièrement crayeuse mais sur laquelle il y a eu des bavures de rouille de fer de voilà. Et donc il se pose des questions. Il va dire certains arbres sont dignes de pousser tout seuls, le chêne par exemple, mais d'autres comme le bouleau doivent pousser en bosquet. Ils ne peuvent pas supporter la solitude. Ils agresseraient notre œil s'ils étaient seuls. Ils sont trop minables, en fait, pour se présenter seuls à nous. Un seul être vous manque. C'est ça. Bon, il est curieux, ce Gilpin. C'est-à-dire qu'il considère que il y a une normativité culturelle. C'est-à-dire que lui est peintre. Son père est peintre. Son frère est peintre. Et il considère, en fait, que l'œil du peintre est capable de sélectionner dans la nature ce qui est digne d'être représenté, ce qui ne l'est pas. Et donc. Il peut la corriger. Corriger dans la nature. Tableaux. Corriger la nature, voilà. Et donc, je dirais l'approche culturelle est à son sommet. C'est-à-dire, c'est Gilpin, c'est celui qui ne voit la nature qu'en fonction de ce qu'il peindra. Exactement comme aujourd'hui, des gens peuvent visiter la nature qu'en fonction de ce qu'ils vont prendre en photo. Alors là, on a atteint, on a fermé complètement la dimension naturelle de notre relation à la nature pour n'avoir plus qu'une approche culturelle et artistique. Alexandre Lacroix, vous avez cité la tempête comme exemple de sublime qui s'oppose à la beauté. Je vous propose qu'on écoute un morceau de musique que vous avez choisi vous-même. Ah oui, la tempête. La tempête de Tchaïkovski, c'est un chef-d'œuvre de musique descriptive. Thank you. Alexandre Lacroix, on a l'impression que la tempête se rapproche. Oui. Est-ce que ça a un sens de parler de paysage sonore ? Oui, ça a un sens assez précis, hein, en fait. C'est-à-dire que, mais qui va nous éloigner de la musique descriptive. C'est-à-dire que c'est une notion, en fait, qui a été forgée par un musicologue et un ingénieur du son qui s'appelle Murray Schafer dans un grand ouvrage qui s'appelle Le paysage sonore, et qui donc dans les années 70 a pour la première fois pris conscience de qu'on avait la possibilité d'essayer d'apprécier esthétiquement les champs du monde en les enregistrant. Il va lancer un immense mouvement, il va lancer des tas de gens aux États-Unis à la poursuite de ces paysages, et depuis les années 70 beaucoup de gens enregistrent le bruit des bords de rivières, des bords de mares, des forêts, et ça a un sens en fait presque écologique de parler de paysage sonore, parce que ce qu'on constate en fait dans l'évolution du temps, notamment il y a quelqu'un qui s'appelle Bernie Krause qui a enregistré pendant 40 ans, parfois il est revenu dans les mêmes lieux réenregistrer les atmosphères sonores, c'est que le chant du monde est en train de s'éteindre. C'est-à-dire que le même bord de rivière en fait où ça gazouillait, où vous entendiez des grenouilles croasser, etc. En Californie dans les années 70. À cause 70, de la chute de la biodiversité. À cause de la chute de la biodiversité et de la présence trop grande du bruit de nos machines, en fait les paysages sonores sont en train de s'éteindre à très grande vitesse en quelques décennies. Il y a là un vrai motif d'inquiétude, c'est-à-dire la notion de paysage sonore, c'est une des notions les plus frappantes pour faire comprendre ce qui est en train de se passer. Et le monde autour de nous se tait, ou plus exactement, le monde est empli d'un vacarme, mais c'est un vacarme produit par nos paroles, nos machines, nos musiques, par nous humains, et non plus par les animaux avec qui nous avons pourtant en partage cette terre, ni les végétaux. Alors, avant que nous écoutions un extrait de la tempête de Tchaïkovski, vous parliez de nous autres qui sommes des photographes qui jugeons de la beauté de la nature à l'aune de ce qui peut être pris en photo. Mm-hmm. Ça veut dire que notre regard, il est sélectif ou il est électif? Vous faites la distinction? Ah oui. Dans votre ouvrage entre ce qui relève de la sélection et ce qui relève de l'élection. Pour moi, c'est très important cette distinction, en fait, parce que un aspect qui me gêne dans la réflexion qu'ont les amateurs de paysages anglais, les philosophes anglais que je citais, les Gilpin, les Burke, etc., c'est que pour eux, ce qui est digne d'admiration dans la nature, c'est surtout les grands panoramas. Hein. Donc c'est-à-dire que ils réduisent en fait complètement l'expérience de la nature à du visuel d'une part, et puis d'autre part à cette notion du panorama. Moi, j'ai l'impression que on peut apprécier la beauté de la nature dans des petites choses et qu'elle vient nous rencontrer ou elle vient à notre rencontre même en ville. En fait, pour le dire d'un mot, une des thèses que je soutiens assez fortement dans mon essai, c'est que c'est pas aristocratique ou élitiste de s'émouvoir de la beauté de la nature. Ça ne demande pas d'avoir de l'argent pour aller dans un parc national, aller faire un trek dans le Haut-Atlas, aller faire une randonnée dans le Mont-Blanc. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres possibles avec la beauté de la nature dans au quotidien. Parce qu'autour de nous, nous avons des arbres, parce que par exemple en ville, il peut y avoir l'arrivée soudaine d'une pluie forte. Et il y a un moment que je trouve toujours très émouvant dans les villes et dans les capitales, c'est le moment où on découvre la rivière. Il y a souvent une rivière dans une ville, et quand on trouve le bord de l'eau, tout d'un coup, il y a un souffle de l'air sur la peau qui a une qualité tout à fait particulière, un dégagement du champ de vision, une ouverture vers le ciel qui sont extraordinaires. Il peut y avoir évidemment des couchers de soleil magnifiques derrière les tours de la Défense. Et donc, s'ouvrir à la beauté de la nature, c'est-à-dire s'ouvrir à la réceptivité, demande à mon avis d'être électif, c'est-à-dire il ne s'agit pas de nier que les environnements urbains sont parfois laids ou oppressants, et donc il ne s'agit pas d'être sélectif, mais électif, c'est-à-dire de savoir élire, distinguer, oui, choisir dans ce cadre urbain des petites choses qui vont nous ravir. J'ai toujours mal, par exemple, quand je vois des élagueurs en ville, à Paris, couper trop ras les arbres dans les avenues et les squares. Je me dis que quelque chose s'en va d'essentiel, voilà. Et donc, mais est-ce que aimer la nature, Alexandre Lacroix, ça consiste simplement à aimer les paysages naturels? C'est pas la même chose. Aimer les paysages et aimer la nature, c'est quand même... Non, c'est de ça que je suis en train de parler, précisément. Déjà, la notion de paysage est très visuelle. Et c'est là qu'il faut commencer peut-être à ouvrir un petit peu le champ, la nature. On a un peu parlé du paysage sonore, mais à cette particularité, d'ailleurs, par rapport à toutes les œuvres d'art, qu'elle est complètement polysensorielle. C'est-à-dire l'expérience esthétique de la nature convoque évidemment nos oreilles, la peau, par le toucher, par le contact avec l'air, c'est bien évident, mais également, je dirais, le goût. C'est-à-dire que si vous êtes sur un bord de mer, bah, les embruns un peu salés vont déposer quelque chose sur votre bouche. Il y a une saveur, il y a presque des saveurs si vous faites une marche prolongée en forêt, et qu'il y a des odeurs végétales, mais au bout d'un moment, elles vous imprègnent par une sorte sorte de phénomène de rétro-olfaction. Vous avez comme ça aussi dans la bouche presque une saveur de feuilles, d'arbres. Donc en fait, s'ouvrir à la beauté de la nature, c'est s'ouvrir à cette expérience complètement polysensorielle. La notion de paysage, en tout cas si on l'entend dans un sens pictural, est bien trop réductrice. Alors cette émission, Alexandre Lacroix, s'appelle la conversation scientifique, vous le savez. Oui. Donc la nature, c'est aussi la quête des scientifiques. Ils essaient de comprendre ce qu'on appelle les lois de la nature. Oui. Est-ce que le fait de comprendre les lois de la nature, par exemple de comprendre ce qui se passe quand un soleil se couche, pourquoi la lumière rougeoie, change l'esthétique de la chose? Alors ça, c'est une question assez à 100 balles. Assez importante, parce qu'il y a une vraie divergence chez les philosophes qui s'intéressent à la beauté de la nature. Dans ce tout petit champ microscopique qu'on appelle l'esthétique environnementale, rien n'est traduit, hein, ce sont des auteurs anglo-américains. Il y en a un qui est une sorte de pape de cette discipline, qui s'appelle Alan Carlson, et qui dit qu'en fait il faut des connaissances scientifiques pour apprécier esthétiquement un paysage. Il a même un article extrêmement provocateur qui dit: quel est le CV adéquat pour l'amateur de paysage? Et lui, il va vous dire, effectivement, très tout à fait sérieusement, que votre regard sur la nature, votre capacité d'émerveillement est amoindrie si vous ne connaissez pas mal de choses en biologie. Vous devez être capable, évidemment, de repérer les différents végétaux que vous avez devant vous, de les comprendre. Vous devez avoir des connaissances en géologie, en météorologie. Il faut être omniscient. Il y a 5 disciplines dans lesquelles il faut toucher sa bille, dirait Alan Carlson, avant de vraiment prétendre être un amateur de paysage. C'est très provocateur, cette idée qu'il faudrait passer par la science pour apprécier la nature. Moi, il me semble que, en fait, cette idée d'un prérequis est un peu étrange, qu'on peut très naïvement, enfant, avoir des émotions esthétiques extrêmement fortes sans aucune forme de ces connaissances scientifiques. Non, mais les connaissances scientifiques n'empêchent pas l'émotion esthétique. Non, elles peuvent effectivement la déployer. La déplacer, l'agrandir, mais en faire une condition de l'émotion esthétique, comme le ferait Alan Carlson, me paraît particulièrement périlleux. Mais vous écrivez, Alexandre Lacroix, dans « Devant la beauté de la nature », vous écrivez ceci: « Si vraiment c'était la science qui nous faisait apprécier la beauté de la nature, nos opinions sur celle-ci varieraient sans cesse. Elles seraient à réviser à chaque découverte majeure. Or, l'histoire montre qu'il n'en va pas ainsi, que nos émotions devant le coucher de soleil ou la chute d'eau sont beaucoup plus universelles, plus pérennes aussi que les théories scientifiques, qui ne parade sur le devant de la scène que quelques décennies pour les plus robustes, avant d'être dégommé. Ouais. Alors là, moi, je tique un peu, parce que les théories scientifiques, elles ne sont pas si facilement dégommables. En physique, par exemple, on n'a pas fait la révolution depuis 80 ans, depuis la mécanique quantique, et tout ce qu'on a appris depuis n'a pas remis en cause les fondements de cette discipline. Donc, c'est pas la révolution tous les lundis matins. Pas tous les lundis matin, mais il y a quand même sur la longue période des révolutions successives très fortes. Et c'est vrai que vous citez un passage où je cherche à contredire Alan Carlson après avoir exposé ses thèses et puis correspondu avec lui. Il me semble que le fait d'arrimer l'émotion esthétique à des connaissances scientifiques, ça situerait en fait les émotions esthétiques dans l'histoire de la science. Et le bon exemple n'est sans doute pas la physique quantique, mais la question de la cristallogénèse. Quand la cristallogénèse est découverte à la fin du 18e, début du 19e, enfin qu'elle est vraiment analysée par les scientifiques, il y a une hypothèse qui est faite à un moment, c'est que les cristaux, en fait, ont l'air de pouvoir croître et se dupliquer, c'est-à-dire en fait ils ont l'air d'avoir les propriétés du vivant. Et tout d'un coup il y a une sorte de basculement extraordinaire, c'est-à-dire que quelques scientifiques se disent: mais on a trouvé du vivant minéral, et donc du vivant éternel. Du vivant qui croit et qui est capable de croissance et de génération, mais qui est soustrait à la mort. C'est magnifique. C'est-à-dire, si vous courez chez le bijoutier, quoi. C'est-à-dire que vous entendez ça, vous vous dites: il faut que j'offre un cristal ou une pierre précieuse à la personne que j'aime, puisque c'est du vivant éternel. Bon, cette théorie est fausse. Donc, vous voyez là que si on lie profondément une émotion esthétique devant un objet naturel à une théorie scientifique, alors il faut accepter... Un critère popérien. Il faut accepter que votre émotion esthétique est falsifiable. C'est quand même très très bizarre. On n'a pas le droit de trouver ça beau. Oui. Mais nous sommes tous devenus des téléspectateurs, donc ça doit changer finalement le statut qu'ont les paysages pour nous. On voit de multiples photos. Est-ce que l'aura dont parlait Walter Benjamin en est affectée? L'aura de la beauté de la nature? Alors, là, je dirais l'inverse. C'est-à-dire que ce qui s'est produit, si vous avez un ordinateur connecté, vous avez accès en un clic à presque la totalité du patrimoine, on va dire, musical. tous les livres libres de droit, mais enfin ça fait quand même en gros tout le patrimoine littéraire de l'humanité, ainsi que des reproductions assez belles de la plupart des architectures et des grandes peintures de. Donc en fait, ce que Benjamin avait vu, c'est-à-dire que l'œuvre d'art est rentrée dans l'époque de sa reproduction technique. Autrefois, une œuvre d'art, c'était quelque chose qui se méritait, qui s'attendait. Une symphonie de Beethoven, ben vous deviez attendre qu'elle soit jouée dans votre ville pour l'entendre. Vous pouviez évidemment lire la partition ou en jouer une adaptation pour piano chez vous si vous étiez un musicien amateur, mais vous ne pouviez pas entendre l'œuvre. Il fallait attendre le concert. Donc, et de même, quand vous lisez Proust, vous vous apercevez qu'il rêve sur des toiles qui se trouvent au musée des Offices à Florence ou qui se trouvent à La Haye, et il parle longuement de ses toiles, mais ses toiles exercent sur lui, qui sur son narrateur, qui est parisien, une fascination comme à distance. Donc, les œuvres d'art sont devenues, par le biais de la technologie, disponibles toujours, tout le temps. Cette émotion esthétique que procure l'œuvre d'art, clac, je clique, je l'ai. Donc l'aura, en quelque sorte, ce pouvoir d'action à distance de l'œuvre d'art que j'attends, mais qui est pour moi totalement inaccessible, ben je ne l'ai pas. Je crois que le paysage continue d'exercer une aura à distance. C'est-à-dire, effectivement, je vais voir une photo du Mont Blanc. Je vais peut-être même voir un film sur le Mont Blanc, mais c'est une trop pâle copie. C'est-à-dire que de ce que je vais éprouver si je fais une marche, une ascension du Mont Blanc. Il n'y a pas de perte de l'aura du Mont Blanc. Au contraire, j'ai l'impression que nous sommes dans un monde où les pour parler dans le vocabulaire de Benjamin, où les œuvres d'art ont perdu leur aura, leur pouvoir d'action à distance, leur unicité, le fait d'être qui est un original, et que si on n'a pas l'original, et ben si on voit pas, et ben on n'a aucune idée de ce qu'est l'œuvre d'art. Et bien ça s'est dissous. Par contre, les monts Sibyllins, par exemple, dont je parle en Italie, sont un lieu qui ont une aura. Mais si vous voulez avoir l'émotion esthétique des monts Sibyllins ou de la côte bretonne, ben faut y aller. Alors vous citez assez souvent Rousseau, vous racontez notamment une promenade qu'il fait en forêt. Alors il a l'air d'être transporté, hein. Et je le cite brièvement, « Je crois que si j'eusse dévoilé tous les mystères de la nature, je ne me serais senti dans une situation moins délicieuse que cette étourdissante extase à laquelle mon esprit se livrait sans retenue et qui, dans l'agitation de mes transports, me faisait crier quelquefois « ô grand être », sans pouvoir dire ni penser rien de plus. » Ouais. Il a fumé, là. il songe aux moments les plus beaux de sa vie et il se dit, ce sont des moments d'immersion dans la forêt, ce sont des promenades. Ça n'est pas les moments de volupté, parce que finalement les moments de volupté sont une délicieuse éclipse de la raison, mais quelque chose qui ressemble vraiment au bonheur, c'est ce que j'ai pu ressentir dans mes promenades en forêt. C'est ça qu'il dit. Il a pas fumé en fait, ou alors j'ai fumé aussi, parce que je suis assez d'accord avec lui, pas sur le mot au grand être, mais sur cette idée que on a évoqué. Une réponse, on va dire, biologique, évolutionniste, hein, au pourquoi de la beauté de la nature. Bon, on en a vu un peu les limites. On a parlé d'un autre type de réponse. Tiens, c'est vrai qu'on a une culture artistique et puis une culture scientifique qui nous aide à apprécier esthétiquement la nature. Mais moi, je pense que ça ne dit pas le fin mot de notre relation à la nature, et que le fin mot, c'est métaphysique, en fait. C'est-à-dire que ce qui se produit quand vous regardez le ciel étoilé, c'est un mini événement métaphysique. C'est comme si vous étiez un pli de l'univers vous-même, puisque vous êtes une conscience éveillée qui regarde les étoiles. Le simple fait d'être une conscience éveillée qui regarde les étoiles, ça prouve qu'à travers vous, l'univers a atteint son stade du miroir. Ça a une quasi-réflexivité. C'est comme si vous êtes une partie de l'univers et l'univers s'admire lui-même à travers vous. En fait, il se passe quelque chose d'extrêmement intense du point de vue métaphysique. Et on comprend le mot, ce que veut dire Rousseau quand il dit « au grand être ». On peut le dire d'autres manières. On pourrait dire « tiens, quand je suis dans ce paysage, j'ai l'impression d'être mis en contact avec l'essentiel, avec le mystère, avec l'énigme de l'univers et de la vie, comme j'ai dit précédemment. » C'est-à-dire, en fait, avec quelque chose qui me dépasse, que je ne saurais nommer, et qui est... C'est une forme de religiosité. Eh ben je crois qu'on peut en quelque sorte débarrasser de la religiosité cette émotion esthétique, parce que je crois que c'est le fond en fait de l'affaire. Quand je dis qu'un paysage est beau, je dis quelque chose qui est très différent de ce que je dis quand je dis la chapelle Sixtine est belle. Ce que je dis quand je dis qu'un paysage est beau, c'est que j'éprouve cette mise en contact. Alors moi, c'est vrai que vous l'avez compris, ce qui me dérange un peu, c'est ce mot d'être, cette réduction au singulier. qui prépare l'arrivée de Dieu, hein. Et c'est pour ça que vous parlez de religiosité. C'est du théisme, en fait. Or, enfin, vous dites aussi qu'aujourd'hui, on dit plus, on dit souvent, je ne crois pas en Dieu, mais je crois en quelque chose. C'est ce que vous appelez le quelque-chosisme. Oui. Donc, on pourrait dire que Rousseau était quelque-chosiste. Oui, c'est une idée de, c'est dans un article de Baptiste Morisot, un jeune philosophe, que j'ai trouvé cette idée que je trouve séduisante. Que le quelque-chosisme est le premier courant spirituel et religieux en France aujourd'hui. Je ne crois pas en Dieu, mais en quelque chose. Mais, est-ce que c'est du quelque-chosisme? C'est difficile à dire. Je pense qu'on peut, c'est pour ça. Alors, ça me prend un peu de temps, mais de l'expliquer, dans le livre. Je sais pas si je vais réussir à le faire en quelques minutes à la radio, mais ce que je voudrais expliquer, c'est que la nature a ceci de particulier qu'elle nous met en contact non pas avec l'être, non pas avec le quelque chose, non pas avec le grand tout, mais avec ce que moi j'appelle les sources. Pourquoi les sources? Il me semble que c'est une manière d'abord d'approcher une caractéristique de la nature, c'est qu'elle surgit sans cesse au devant de nous. C'est-à-dire que, d'ailleurs, nature, c'est un peu dans l'étymologie du mot, ça vient du latin nascor, naître, ce qui est d'ailleurs un peu embarrassant, parce que ça semble, l'étymologie de ce mot, réduire le sens du concept de nature à ce qui naît, c'est-à-dire aux végétaux et aux animaux, à ce qui est vivant, mais on peut entendre cette naissance en un sens plus large et plus métaphorique. La nature, c'est ce qui surgit sans cesse au devant de nous. Le paysage de mer que j'ai sous les yeux change sans cesse de couleur, de relief, d'aspect. Au fur et à mesure que je le regarde, il se renouvelle sans cesse. Ça n'est pas le cas de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, le tableau, lui, est en quelque sorte figé. Donc la nature surgit, elle se renouvelle sans cesse. Et puis, je dirais, il y a autre chose. Je fais l'expérience dans le paysage d'une pluralité. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis les sources et que je me méfie de la réduction au singulier, au grand être, je fais l'expérience d'une multiplicité en fait de sources, de surgissement. Il y a effectivement la fleur, l'arbre, la mer, mais aussi les étoiles, le ciel, le soleil. Est-ce que le concept d'être, par exemple, n'est pas une invention verbale, n'est pas beaucoup trop englobant pour désigner cette pluralité? Est-ce qu'il n'est pas abusif de vouloir tout mettre dans un même sac? En fait, j'ai l'impression que on peut, sans basculer dans le mysticisme et la religion, apprécier cette dimension d'ouverture, en fait, qu'on va trouver dans la nature, d'ouverture sur les sources, en ayant soin de ne pas faire de faute de vocabulaire ou de faute conceptuelle. Et que donc, il me semble, je suis sceptique, mais il me semble que, un athée si vous voulez, mais il me semble que le sceptique, l'athée, n'ont pas à rougir d'avoir des émotions d'ordre métaphysique dans la nature, et n'ont pas à se dire, tiens, mais alors, est-ce que je suis aussi sceptique que ça? C'est juste qu'il faut réussir à ciseler et à nommer ses émotions dans un vocabulaire qui n'est pas celui de la religion. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alexandre Lacroix, dans votre livre, il y a un chapitre qui m'a beaucoup étonné par sa présence et par son contenu, qui est consacré à la cécité. Ouais. Parce que la beauté de la nature, on se dit, c'est pour les visuels, ceux qui peuvent voir en tout cas, ouais. Ceux qui ont la vue. Mais en fait, vous avez interrogé des aveugles qui en parlent fort bien, notamment Éric Brun-Sanglard, ah oui. Qui est le frère d'un pilote d'hélicoptère très connu à Chamonix, ah oui. Et qui est aveugle et qui dit des choses incroyables. Ouais, c'est complètement... Fou, oui. Alors, j'ai consacré en fait une assez longue enquête à la question des sens. Hein. Et du coup, j'ai évidemment d'abord parlé de ce qu'était la nature pour ce que ça signifiait que voir la nature, mais au fond, il faut se poser les autres questions. Qu'est-ce qu'il y a de non visuel dans notre appréciation esthétique de la nature? Les meilleurs guides, m'a-t-il semblé, pour comprendre ce que la nature non visuellement avait à nous proposer comme expérience esthétique, ben, ce sont les aveugles. Je suis allé voir une douzaine d'aveugles. Éric Brun-Sanglard est un aveugle, disons, par maladie, hein. Il l'est devenu à l'âge de 30 ans, donc il a des notions assez précises de ce que sont les paysages. Et puis j'ai vu aussi des aveugles de naissance. Ils ne disent pas tout à fait la même chose. Il faut bien distinguer les deux cas. Mais ils se retrouvent sur un certain nombre de points, les aveugles. D'abord, ils aiment tous la mer. Ils aiment la mer parce que ça sonne de partout, parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a du contact. Ils se retrouvent aussi sur le fait qu'ils ont des sensations d'altitude, dans les oreilles. Alors là, ils sentent quelque chose de l'ordre de la qualité de l'air, de la pression de l'air. Donc là, ils développent une aptitude que nous autres voyants n'avons pas. Hein. Mais ils ont une écoute. Ils ont une écoute extraordinaire. Ça veut dire que, par exemple, pour un aveugle, la pluie est un événement extrêmement intéressant parce qu'elle donne un contour sonore à tous les objets du paysage. Et ensuite, il y a les odeurs. Et Éric Brun-Sanglard dit quelque chose d'intéressant, c'est que le lieu qu'il préfère, en fait, pour se promener, ce sont les pays d'Asie. parce qu'il note que la prééminence ou la dictature, le diktat du visuel est très très fort en Occident, dont nous avons, alors qu'en Asie, la culture, le lien à la nature est beaucoup plus synesthésique, c'est-à-dire que même dans la ville asiatique, il va y avoir des parfums d'épices, il va y avoir des temples sur lesquels on peut toucher des bas-reliefs ou des formes, il va y avoir des tintements de clochettes, il va y avoir toutes sortes de sollicitations dans l'environnement asiatique qu'on n'a pas forcément en Occident. Et donc en fait, effectivement, ces aveugles m'ont fait rentrer dans leur admiration pour la nature en tant qu'elle est, alors, qu'elle est invisible. Éric Barrette-Sanglard, qu'on vient de nommer, dit cette chose étonnante. Il dit, devant un paysage, finalement, c'est comme pour la musique. Comment expliquez-vous que certaines musiques vous donnent envie de pleurer, que d'autres vous rendent léger, joyeux et vous fassent danser? Ce sont des vibrations sonores qui frappent votre corps, qui vous touchent, qui actionnent en vous des émotions. Moi, je fais une expérience de cet ordre devant les paysages. Et j'ai l'impression que souvent, si on a les yeux ouverts, c'est comme pour un baiser en amour, on manque l'expérience. Oui. Donc la vue empêche de voir. Voilà, c'est ce qu'il dit. Oui. Il va jusque-là. Et ce qui est très étonnant, que j'ai remarqué immédiatement en rentrant dans son appartement, c'est un appartement au-dessus de la Seine, assez beau d'ailleurs, mais il y a beaucoup de balcons, beaucoup de fenêtres chez lui. Et c'est surprenant de la part d'un aveugle, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est la première chose qu'il a dit, comme devinant mes pensées, c'est qu'il avait choisi cet appartement pour les balcons et pour les fenêtres, parce que en se mettant au balcon et en sentant justement le souffle de l'air, en sentant les odeurs qui montent de la Seine, il a d'immenses moments de contemplation esthétique. Là, nous parlons de la nature comme si c'était une expérience de l'espace. Mm-hmm. Et de ce qu'il contient, mais est-ce que le temps intervient dans l'affaire ? Eh oui, alors voilà, c'est une autre dimension à ouvrir, évidemment. En tant que nous avons tendance, nous autres occidentaux, voyants, à donner un primat au visuel. Bah, le visuel, ça nous confronte à de l'espace, à du spatial. Et nous avons donc tendance à négliger une autre dimension de la nature, qui est que la nature nous offre des expériences temporelles. C'est-à-dire que les paysages nous offrent des expériences. Un très beau passage pour le comprendre, c'est un passage de Jacques Roubaud, en fait, dans un livre où il évoque sa jeunesse, raconte qu'on devrait non pas compter le temps en heures, mais en nueurs. Une nueur, c'est le temps que met un nuage, dit-il, donc c'est un néologisme, hein, pour passer d'un bout de l'horizon à l'autre. Voilà. Comptons le temps en nueurs. On voit bien, allongeons-nous dans une prairie et laissons l'après-midi s'écouler petit à petit en nueurs. Eh bien, la nature nous propose, pas seulement avec le passage des nuages, des tas d'expériences de contemplation de cette mobilité, de cette, comme si elle avait des rythmes. Ça rejoint une forme de musicalité, en fait, en quelque sorte, de la nature. C'est-à-dire que une tempête de neige commence. Vous êtes à la campagne, vous pouvez décider de la regarder par la fenêtre. C'est un spectacle dans le temps. Et donc, elle va s'amplifier, puis s'atténuer, laisser un manteau de neige derrière elle. Vous avez vu un spectacle temporel, en fait. C'est-à-dire que la nature n'est pas seulement spatiale, elle vous emmène en dehors du temps étroitement décompté, étroitement mesuré de vos montres, de vos calendriers, ce temps dans lequel vous stressez, parce que vous avez tant à faire. En fait, vous pouvez vous en libérer, tout simplement en vous asseyant au bord d'une rivière, en regardant passer l'eau, en regardant une tempête de neige, en contemplant les nuages. Et on manque en fait une grande partie de la saveur de l'expérience esthétique de la nature si on ne s'ouvre pas à cette dimension temporelle. Mais c'est étonnant que dans votre livre, Alexandre Lacroix, vous convoquiez Einstein. Ouais. Vous dites Einstein a montré que le temps newtonien n'était qu'une vue de l'esprit, que l'écoulement du temps dépend à la fois de la position qu'un objet occupe dans l'espace et aussi de son déplacement. Ouais. Ah, c'est une phrase qui m'a interpellé parce que c'est la phrase par laquelle en effet on résume la relativité, mais ce que dit Einstein, c'est que quand vous êtes en déplacement, vous restez immobile par rapport à vous-même. Donc ça ne change rien à votre temps propre. Oui. Et donc il y a cette phrase, que je ne critique pas, mais elle est parfois source de malentendus, où beaucoup de gens pensent que Einstein a démontré que si on est en déplacement dans l'espace, le temps pour nous change. Oui. Alors que précisément, il est invariant. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu pour présenter clairement Einstein. Mais ce que je voulais montrer à travers ça, c'est un peu autre chose, c'est que il y a une différence entre le temps de la physique. En fait, que le temps de la physique, il y a un débat en fait permanent chez les physiciens sur cette nature du temps. Ça n'est pas quelque chose de bien établi. Ça n'est pas une zone de la réalité physique qui est complètement Mais vous évoquez les débats entre Carlo Rovelli et Lise Molin et d'autres sur l'existence du temps, mais sur l'émergence du temps, et vous-même, vous avez écrit sur cette question. Grand problème de vocabulaire, voilà. Il y a un grand problème de vocabulaire. Vous avez proposé effectivement dans vos livres et dans des conférences, dans plusieurs interventions, une distinction entre les notions de cours du temps et de flèche du temps. Ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il n'y a pas de consensus dans le monde des physiciens sur la nature du temps, ses propriétés, son existence ou non. Et jusque dans la physique contemporaine, il y a des débats, en fait, permanents sur la question de l'existence. Il faut montrer qu'il y a aussi des facteurs culturels qui jouent sur la perception que nous avons du temps, notamment devant un paysage. Oui. Entre l'expérience des Japonais, par exemple, et la nôtre. Comment est-ce qu'on pourrait caractériser cette différence? Alors, ça nous emmène un petit peu ailleurs. En fait, mon idée à moi, c'est que si on parle du temps de la nature, et qu'on en parle en termes scientifiques, on va se retrouver dans ces débats entre la physique newtonienne, einsteinienne, entre Carlo Rovelli et Lise Moulin. J'essaye de les présenter, je le fais avec prudence, j'espère, bon voilà. Mais voilà, on se retrouve au cœur de ces débats. Donc, avec un objet très très problématique en fait. Le temps est un objet problématique en physique. Si on parle du temps de la nature en esthétique cette fois-ci, et pas en physique, on parle tout à fait d'autre chose. Si on parle du temps de la nature en esthétique, on parle de toutes ces expériences temporelles que j'ai commencé de ces expériences de forme esthétique du temps, de beauté du temps, en fait, que j'ai commencé à énumérer tout à l'heure en disant qu'on pouvait regarder le flot de la mer, la marée monter, une cascade tomber. Et là-dessus, je dirais que l'art ou la poésie occidentale et l'art ou la poésie asiatique sont assez différents. Dans le monde occidental, nous avons un réflexe, si nous sommes au bord de la mer par exemple, nous avons un réflexe qui est d'essayer de chercher du regard ce qui est stable. Ça veut dire que si vous êtes devant un paysage et qu'il y a une flaque à vos pieds, la flaque ne fait pas partie de la beauté du paysage. Parce que c'est juste un accident. Ce que vous cherchez, ce que votre œil cherche, c'est ce qui est stable, c'est la substance, c'est ce qui se tient en dessous, c'est ce qui est permanent, les grandes lignes. En fait, vous cherchez, vous êtes un peu grec, nous sommes tous un peu grecs devant les paysages. Nous cherchons l'être en tant que substance, le stable, l'immobile. Les Asiatiques valorisent énormément toute la dimension de l'éphémère. Par exemple, chez les poètes japonais, j'ai trouvé une quantité énorme de descriptions de la beauté des branches cassées dans la forêt. Jamais, à ma connaissance, un écrivain ou un poète européen s'est ému de la beauté d'une branche cassée. Ça, c'est beau pour un japonais parce que c'est un accident. Que l'accident, ça signale peut-être le passage d'un animal. Parce que c'est, donc, du coup, quelque chose comme un clin d'œil de l'éphémère dans le paysage. Et donc, de la même manière, ils vont valoriser les flaques d'eau, ils vont valoriser les mousses, ils vont valoriser plus que les rochers. Ils vont valoriser les fumerolles à l'horizon, ils vont valoriser tout ce qui est labile dans le paysage. Merci Alexandre Lacroix. Une heure a passé, il me semble que c'était aussi une nueur au sens que Jacques Roubaud donne à ce mot, c'est-à-dire le temps que mettrait le plus merveilleux des nuages à traverser le ciel. Merci d'être venu nous parler de la beauté de la nature et aussi de la nature de la beauté. Je recommande la lecture de votre livre « Devant la beauté de la nature ». C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Bernard Laniel et à la réalisation Massimo Bellini.